Si tu dis oui, confetti. Si tu dis non, cotillon. Si tu dis oui, accroupi. Si tu dis non, tourne en rond. Si tu ne dis ni oui ni non, tourne en rond, accroupi, cotillon et confetti.